Document 2, page 48. Tu vas à la mer en juillet ? Ah non, on part 3 semaines à New York, il faut changer un peu. Mais les hôtels sont très chers là-bas. On ne va pas à l'hôtel, on va chez des Américains. Vous les connaissez bien ? On ne les connaît pas du tout. Ils viennent habiter dans notre maison et nous prenons leur appartement. Ça, c'est une excellente idée. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Il faut avoir une jolie maison ou un bel appartement. Et il faut une adresse sur Internet. Tu as des photos de l'appartement ? Oui, je les ai ici. Regarde. Il est grand, confortable et dans un immeuble très moderne. Il n'est pas trop sombre ? Pas du tout. Il est très clair. C'est au dernier étage. Il n'est pas trop bruyant ? Si, un peu. Il est au centre-ville. Ça m'intéresse. Comment il faut faire pour avoir des informations ? Il faut écrire ? Il faut téléphoner ?